l'appli Radio Player France, c'est faire le choix d'écouter ce que je veux, quand je veux, où je veux, en live ou en replay. Mais c'est aussi avoir le choix entre 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts. Ah oui, c'est un choix totalement gratuit aussi. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. À la fois adorable peluche parfaite, mais aussi redoutable prédateur, et mieux vaut ne pas croiser son chemin en randonnée. Il est également globalement abondant à la surface du globe, et les populations de ces différentes espèces ne se portent pas si mal dans un contexte d'effondrement de la biodiversité, et pourtant menacé, au point qu'il a fallu en France procéder à plusieurs campagnes de réintroduction pour éviter sa disparition. Il est aussi un mystère que la science essaie d'élucider, tant dans sa mécanique d'hibernation pourrait être bénéfique pour l'être humain, notamment pour les voyages spatiaux ou les personnes longue mentalité, voyage en terre des ours. Ours, vous reprendrez bien du poil de la bête, c'est le programme Poilu donc, qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Voilà, tout d'abord bien content donc de vous retrouver après cette petite escapade dans l'hémisphère sud sur l'altiplano chilien où le ciel est si clair et si beau la nuit à la rencontre des télescopes géants de l'ESO pour une série documentaire que vous pourrez retrouver tout cet été sur France Culture, un été en Atacama, un peu sur le modèle d'un été en Antarctique que vous avez certainement pu entendre depuis bien quelques années maintenant. Ceci étant dit, pour tout savoir sur nos lointains cousins plantigrades, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, en direct des locaux de nos camarades de France Bleu Béarn à Pau, Jean-Jacques Camara, bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste, fondateur et ex-coordinateur du réseau Ours Brun, auteur de Au pays de l'ours, aux éditions de la Salamandre, et ça sort dans une petite semaine, le 10 mai prochain. Et depuis les locaux de France Bleu Alsace à Strasbourg, Fabrice Bertil, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche CNRS à l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien à Strasbourg. Mais on commence par celle qui met ses grosses patounes chaque jour dans le pot de l'actualité scientifique toute fraîche. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour, Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude parue dans la revue Science. Si nous ne limitons pas la hausse des températures, nous nous dirigeons vers une extinction massive de la biodiversité océanique. Une équipe américaine a voulu modéliser plus précisément ce phénomène. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette modélisation des changements climatiques du futur est replacée dans un contexte géologique. Les chercheurs ont intégré à leur modélisation ce qui a été observé sur le long terme, dans le passé, lors des extinctions de masse. Il y en a eu 5, hein, les Big Five, et nous sommes actuellement dans la 6e. Et ces chercheurs proposent 2 scénarios sur ce qui va se passer si nous ne baissons pas les émissions de gaz à effet de serre. Sans aucune limitation du réchauffement global de la planète, les niveaux d'extinction de masse seraient comparables à ceux de la fin des dinosaures. Mais si nous limitons le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, nous pourrions réduire de 70% les risques d'extinction de la biodiversité marine. Alors néanmoins, cette modélisation ne prend pas en compte la surpêche, la pollution et la disparition des récifs coralliens. Emmanuelle Mattioli est professeure à l'université Lyon 1. Elle travaille sur les environnements océaniques anciens. Cette perte de la biodiversité extrême serait due au réchauffement climatique et en particulier à la diminution d'oxygénation des océans. En fait, l'oxygène est tout simplement moins facilement dissous dans des eaux chaudes. Et ça, c'était observé dans le passé, parce que même si les auteurs replacent ça dans un contexte géologique, ils citent pas les événements anoxiques qui ont eu lieu dans les océans du passé, donc en particulier dans des océans du Mésozoïque. Et donc on voit bien que chaque fois qu'il y a un réchauffement important des eaux, bien ces eaux deviennent appauvries en oxygène. Et et donc incompatible avec toute forme de vie. Cette anoxie, ça va aussi un peu de pair avec l'acidification de l'océan, parce que fatalement, il y aura plus de CO2. Plus de CO2 parce que il y aura moins une circulation océanique ralentie, donc des eaux plus stagnantes avec ce réchauffement. Et donc, moins d'oxygène va circuler aussi dans l'océan profond. En fait, ce qui est affecté, c'est déjà les organismes qui sont à la base de la chaîne trophique. Donc, tous les organismes planctoniques et en particulier le phytoplancton. À la base de la chaîne alimentaire, déjà, il y a un changement qui va se répercuter sur tout le reste de la chaîne alimentaire. Après, avec ce réchauffement, en fait, les espèces sont amenées à migrer, donc vers de plus hautes latitudes, là où elles rencontrent des températures un peu plus compatibles avec leur mode de vie. Et donc, il y a des mécanismes de compétition qui se mettent en place entre les espèces qui étaient présentes et les espèces qui auront colonisé des nouveaux environnements. Ben, il va y avoir une série d'événements en cascade et qui tous ces événements vont dans le mauvais sens. Voilà, et si vous voulez retrouver l'article de Science, vous pouvez le retrouver ainsi que les autres articles du Journal des Sciences et de l'émission, comme chaque jour, sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. La campagne de vaccination contre le paludisme commence au Niger. Et le paludisme, cette maladie qui fait plus de 600 000 morts par an, essentiellement des enfants et essentiellement en Afrique, est causée par le parasite Plasmodium falciparum transmis par les moustiques. Contre ce parasite, le laboratoire britannique GSK a mis au point un vaccin, le vaccin RTSS, qui a été testé dans un grand essai clinique au Malawi, au Ghana et au Kenya, sur plus d'un million d'enfants. Ces essais ont montré que ce vaccin réduit les cas graves. Le Niger intègre ce vaccin chez les enfants de moins de 5 ans dans le cadre de son programme de vaccination de routine. En bref, toujours une étude parue dans la revue Science of the Total Environment décrit une méthode pour suivre la pollution aux microplastiques. La pollution aux microplastiques semble être partout, au fin fond des océans, jusque dans nos veines et dans nos poumons. Alors pour suivre les quantités de microplastiques dans l'air, une équipe allemande a eu l'idée d'analyser des échantillons de toiles d'araignées, des toiles nichées dans des abribus d'une ville. Les analyses par spectrométrie de masse ont révélé que ces toiles capturent ces particules avec en particulier une contamination aux polymères issus de l'usure des pneus de véhicules et de la peinture des marquages routiers. Échantillonner les toiles d'araignées permettrait un suivi dans le temps de cette forme de pollution. Et enfin, selon une étude parue dans la revue Astrobiology, pour savoir s'il y a eu de la vie sur Mars, il suffirait d'examiner ces météorites. Des chercheurs australiens ont analysé des météorites qui se sont écrasées sur Terre, dans le sud de l'Australie, il y a 40 000 ans. Ils ont découvert que ces roches, au contact de l'environnement terrestre, subissent une contamination microbienne rapide et que ces micro-organismes terrestres sont préservés dans ces météorites sous forme de micro-fossiles. Ces météorites sont comme des capsules temporelles, je cite. Par conséquent, il est possible que celles qui se sont écrasées sur Mars puissent préserver les traces d'une biosphère passée. Elles sont donc des échantillons de premier choix pour la recherche d'une ancienne vie martienne. Merci beaucoup Natacha, et à demain pour le prochain Journal des Sciences. Autrefois en France, il y a fort longtemps, ils étaient partout au Néolithique. Entre moins 6000 et moins 4000, on trouvait des ours bruns sur à peu près tout le territoire français. Petit à petit, l'ours s'est cantonné dans les massifs montagneux, puis uniquement dans les Pyrénées. On en recensait 150 individus environ au début du XXe siècle, 70 vers 1950, une quinzaine dans les années 80 et plus qu'une petite dizaine début 90, ce qui a conduit la France à plusieurs campagnes de réintroduction du plantigrade, dont la première en 1996, et c'est notre archive du jour. Il était 9h30 ce matin quand la porte de la cage s'est ouverte à nouveau sur la liberté pour cette jeune ours de 4 ans, capturée la veille au sud de la Slovénie. Après 20 heures de route, le plantigrade est arrivé en bonne forme dans le village de Mel, au cœur des Pyrénées. Très pressée de quitter sa demeure forcée, elle est partie au galop en direction de la forêt de hêtres et de sapins qui peuplent les versants nord des Pyrénées centrales. L'animal a été baptisé par l'équipe de capture Colpa, mais les habitants lui avaient déjà choisi un pseudonyme, Melba. Quoi qu'il en soit, le plantigrade va devoir visiter son nouveau territoire, un biotope finalement très semblable à la forêt de Medved dans laquelle elle vivait jusqu'à aujourd'hui. Une surprise ce matin, l'arrivée du ministre de l'Environnement qui souhaitait assister à la réintroduction et qui apparemment a été séduite par la jeune ours. C'est très émouvant. Vous savez que c'est les journées de l'environnement et je trouve que c'est un magnifique symbole de ce que peut être la reconquête de l'environnement et de ce que ça peut représenter en termes de développement et d'intérêt pour une commune, puisque c'est sur ce développement-là que la commune de Mel a misé. Comme pour le premier ours, le voyage de l'animal s'est plutôt bien passé. La cage cylindrique insonorisée et climatisée recréait l'ambiance d'une tanière. Il ne reste plus désormais qu'à trouver un compagnon aux deux jeunes ours. Un troisième lâché pourrait se faire avant la fin du mois ou bien au printemps 97. Voilà, reportage France 3 Aquitaine en juin 1996. C'était Corinne Lepage qui était ministre de l'Environnement à l'époque. Commentaire libre de cette archive, Jean-Jacques Camara. Oui, ça me rappelle des souvenirs. Je n'ai pas assisté directement, mais je me rappelle bien que en 1995, la population d'ours était estimée à 5 ou 6 individus uniquement dans le Béarn. Et quand on a vu donc cette décision qui a été prise par le ministère de l'Environnement de l'époque, avec une réintroduction, première réintroduction de 3 individus, deux femelles et un mâle, eh bien ça nous a mis un peu de baume au cœur. Voilà. Donc ça paraît bien loin maintenant, mais c'est grâce à ces réintroductions que la population se porte quand même bien mieux aujourd'hui, bien qu'elle ne soit pas sortie d'affaire. Avant de faire un point justement sur la population d'ours des Pyrénées, Fabrice Bertil, une réaction à cette archive, à cette première campagne de réintroduction qui n'a pas été sans poser de problème, et notamment cette pauvre ours Melba qui a été tuée tout juste après, à peine un an après avoir été relâchée dans les Pyrénées et après avoir eu une portée de quelques oursons. Oui, je suis très content aussi qu'il y ait une population d'ours bruns qui se porte de mieux en mieux dans les Pyrénées. C'est vrai que moi j'ai l'habitude d'aller les rencontrer en Suède où on trouve jusqu'à 3000 à 4000 individus avec des zones de densité plus ou moins importantes, et effectivement en Suède pour l'instant tout se passe bien avec les populations, donc j'espère que en France on pourra arriver au même résultat. Jean-Jacques Camara, on en est où justement alors aujourd'hui de la population d'ours des Pyrénées? On est passé donc des années 95 à 5-6 comme vous le disiez, à un plus bas historique. 2004 qui est une année funeste puisque c'est la mort de Canel, la dernière ours de souche pyrénéenne. Où en est-on aujourd'hui? Et j'ajouterai de Papillon, qui était le mâle pyrénéen aussi, en 2004, qui est mort, bon, en fait, d'une chute. Oui, que Canel qui a été tué par un chasseur. Disons qu'on en est autour de 70 individus environ. Parce qu'on a plusieurs techniques pour recenser ces ours. En particulier, on a trois techniques, et qui nous donnent entre 68 et 72 individus. Alors, soit ça fait appel aux indices relevés sur le terrain, sur un cycle annuel, ou sur un cycle de 2 ans, ou alors ça fait appel à des techniques statistiques de capture, remarquage, recapture, par exemple, qui sont tout à fait récemment utilisées dans les Pyrénées. Voilà, donc on a environ... c'est équilibré entre les mâles et les femelles. On a 14 mâles reproducteurs, 22 femelles en âge de reproduire. Toutes les femelles ne se reproduisent pas, parce que les ours se reproduisent quand même pas tous les ans, elles se reproduisent tous les 2 ou 3 ans. En 2021, par exemple, nous avions 8 portées, puis 15 oursons de l'année. De cette année 2021, on peut dire aussi qu'on avait repéré 9 des 16 oursons qui étaient nés en 2020. Mais repérés, c'est-à-dire peut-être qu'il y en avait quelques-uns de plus sur les 16. En tout cas, bon, on a environ entre 50 et 70% de taux de survie pour l'instant. Mais c'est très difficile à mesurer parce que ce sont des individus, des animaux, une espèce au moins qui est extrêmement discrète, nocturne, farouche, qui vit en petite population, vous voyez. Donc c'est, et tout repose sur l'identification individuelle. Alors là, évidemment, c'est très compliqué. Ça met en œuvre des techniques très sophistiquées dont on parlera tout à l'heure. Un mot, toujours pour boucler cette introduction, Jean-Jacques Camara, on sait que ces réintroductions qui se sont échelonnées entre les années 90 et puis jusqu'à assez récemment d'ailleurs, en tout cas au début, au milieu des années 90, ont suscité pas mal d'hostilité de la part des populations locales. On sait que les vallées pyrénéennes, la vallée d'Ossau notamment, la vallée d'Aspe sont des vallées de pastoralisme, et donc avec des dégâts qu'on peut quantifier ou non sur les populations d'animaux d'élevage, notamment sur les moutons. Aujourd'hui, ça s'est un peu apaisé. Ça s'est Pas vraiment. Très contrasté, d'une région pas vraiment à l'autre. Un petit peu peut-être, oui, mais bon, je pense que c'est surtout dans les zones où il y a des moutons, des brebis à viande, il y a un problème puisqu'elles ne sont pas regroupées le soir et elles sont dans la montagne pendant des mois, durant tout l'été et l'automne même. Donc les ours sont là au milieu et puis évidemment ça fait un curieux mélange. Alors que dans les vallées d'Aspe et d'Ossau que vous citiez tout à l'heure, ce sont des zones où les brebis sont, ce sont des brebis laitières qui sont en traite tous les soirs et qui sont rassemblés. C'est l'occasion, quand on les rassemble, de mettre des chiens patous, de les mettre dans des clôtures électrifiées, et les dégâts sont beaucoup moins importants. Pour mémoire, si on remonte dans les années 80, quand j'ai commencé à travailler sur les ours, c'était les seuls endroits où il y avait des ours encore dans le Béarn, et bien les dégâts sur les troupeaux étaient quand même assez mesurés, même à cette époque-là, et on ne parlait pas spécialement de l'ours à cette époque-là, c'était pas un enjeu politique non plus. Voilà, la cohabitation se passait de façon relativement sereine, ce qui montre que lorsqu'on prend le temps, enfin on prend le temps où on a la capacité de garder les troupeaux, et bien les dégâts sont beaucoup moins importants. Malheureusement, si on compare avec d'autres régions, comme par exemple la Scandinavie, dans les Pyrénées, il y a beaucoup de brebis, beaucoup de moutons, et c'est vraiment la proie typique de l'ours, si on peut dire, puisque c'est assez facile. Vous imaginez une proie domestique pour un animal, un prédateur comme celui-là, c'est assez facile à se procurer, surtout s'il n'y a pas de surveillance. Fabrice Bertil, vous qui êtes effectivement, qui allez étudier l'ours, plus particulièrement dans les pays scandinaves, l'ours, la présence de l'ours à proximité d'élevage ou non d'ailleurs, est plus ou moins bien vécue, elle suscite le rejet ou l'inquiétude comme ça peut être le cas dans les Pyrénées en France ? Non, mais effectivement, c'est tout à fait vrai qu'il y a beaucoup moins d'élevage de ce type-là en Scandinavie, et l'ours est un omnivore, donc il est opportuniste, donc il va en fait manger ce qu'il va trouver. Donc à certaines périodes de l'année, il ne va se nourrir que de baies sucrées, à d'autres périodes de l'année, il ne va se nourrir que d'herbes ou peut-être de petits insectes, mais il va être un petit peu carnivore s'il en a la possibilité, mais en fait, il mange ce qu'il rencontre surtout. On va continuer. Avec les populations suédoises, il n'y a pas de souci. On va parler de l'ours. Pour le moment, on ne parle que de l'ours brun, mais l'ours brun n'est pas le seul de sa famille. C'est le thème du jour. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15, nous parlons donc des ours en compagnie de Jean-Jacques Camara et de Fabrice Bertil. Peut-être qu'on peut remonter Jean-Jacques Camara à la phylogénie. C'est quoi exactement cette catégorie ours en termes scientifiques ? C'est disons une espèce qui est issue de des canidés, hein, c'est quand même bon. Ensuite ils ont évolué, ils se sont donc différenciés en huit espèces différentes, dont la plus ancienne qui est le grand panda, et dont chacun connaît la silhouette, et puis qui vit en population relativement restreinte. Et puis de notre côté, l'espèce qui est peut-être la plus abondante sur l'hémisphère nord, qui est l'ours brun, que l'on retrouve autant en Amérique du Nord qu'en Europe, en Amérique du Nord sous le nom de grizzly, mais c'est un ours brun, et on l'a en Europe, l'ours brun, qu'il soit en Sibérie ou ailleurs. Et on a une espèce d'ours qui est une seule, qui vit en Amérique du Sud, qui est un peu hérité de l'ancienne espèce aujourd'hui disparue d'un grand ours qui était vraiment un des plus gros que l'on connaît, quoi, qui a disparu aujourd'hui. L'ours à face courte. Et actuellement, et donc celui qui l'a remplacé, c'est l'ours à lunettes. C'est une espèce, le brun, qui a vraiment, même si elle est assez abondante dans le monde, elle a subi quand même une grosse régression. Et vraiment, en Europe, et en particulier aux États-Unis aussi, où ne sont occupés aujourd'hui que 1% des zones qui étaient autrefois utilisées par l'ours brun. Dire que les ours, autrefois, on les trouvait sur les plages de Californie, et le plus grand ours brun que l'on connaît à ce jour, qui a disparu, c'est l'ours brun de Californie. On va faire un peu le tour de ces différentes espèces. Un mot, Fabrice Bertil, on parle des ours souvent, ou en tout cas, on utilise le synonyme plantigrade pour les ours. Ça a un quelconque fondement scientifique, cette dénomination, ou pas du tout ? Disons que cette terminologie est complètement lié à l'anatomie de ces plantes, justement, de pied, plantigrade. Il va avoir vraiment une plante qui va ressembler fortement à une main, finalement, et avec des caractéristiques physiques également pour pouvoir marcher dans la neige très particulière. Donc oui. C'est quoi ces caractéristiques physiques pour marcher dans la neige? Alors cet animal, il est assez particulier parce qu'il est capable de marcher dans la neige en gardant la peau de ses plantes, justement de pied, complètement sèche, ce qui lui donne de l'efficacité pour pouvoir se déplacer dans ce milieu, et ce qui a pu déclencher aussi l'intérêt de certains industriels pour améliorer la tenue de certains pneumatiques sur route mouillée, par exemple. Jean-Jacques Camara, quels sont les points communs à ces 8 sous-espèces que l'on range en 3 catégories, on pourra peut-être en 3 sous-familles, peut-être on pourra y revenir, mais quel est le point commun finalement à toutes ces familles d'ours? Plusieurs points communs. Je citerai d'abord la silhouette, qui est quand même très proche de l'individu à l'autre, d'une espèce à l'autre. Un pelage très épais, une musculature puissante, et puis les capacités donc qu'ils ont aussi de se soustraire à toute activité en plein hiver, la plupart. Hein, et donc ils hibernent. Ce sont également des ours qui sont capables de montrer un éclectisme alimentaire extraordinaire. Hein, ce sont des opportunistes comme on l'a dit tout à l'heure, et puis sauf l'ours polaire. Et pourtant, cet ours polaire que chacun connaît, il paraît extrêmement différent anatomiquement des autres ours, avec un profil plus aquilin de la tête et tout. Et c'est une espèce qui est extrêmement proche de l'ours brun, à tel point que dans certaines zones, il peut y avoir une telle promiscuité géographique qu'on peut voir des ours qui sont croisés entre eux. Alors, ça risque se développer, puisque avec le réchauffement auquel on assiste aujourd'hui, les ours polaires tendent à aller de plus en plus sur la terre ferme. On parlera justement de cette proximité évolutive entre l'ours brun et l'ours polaire. Si on reprend peut-être très rapidement, si vous le voulez bien, Jean-Jacques Camara, ces différentes espèces. Donc le premier, qui est en fait une sous-famille en elle-même, ce sont les pandas, qu'on dit aussi Eluropodinae, qui était en danger critique d'extinction, mais qui a réussi à être sauvé, à régresser, en tout cas dans l'échelle de l'extinction, c'est-à-dire vers un état plus stable, jugé seulement vulnérable, grâce aux efforts de la Chine. Quelles sont les particularités de ce panda par rapport aux autres familles d'ours? Il est dans des forestiers, donc il est un peu comme les autres ours. Il vit quand on est dans les montagnes actuellement. Et son anatomie, c'est surtout au niveau de la patte antérieure, il a un sixième doigt qui permet des doigts opposables presque, vous voyez, pour saisir les pousses de bambou, dont il se nourrit abondamment. D'ailleurs, il ne se nourrit pratiquement que de ça. C'est une espèce qui est très très liée à cette espèce végétale là. C'est peut-être le plus accompli de tous les ours en termes de capacité de consommation de la végétation. Ils ont des molaires qui sont extrêmement développés par rapport à certains autres ours, et en particulier celui qui est le plus carnivore, qui est l'ours polaire. Et une pupille verticale, alors que les autres ours ont plutôt une pupille ronde en général. Voilà, tout à fait. Oui. Voilà, c'est une espèce qui est très ancienne. C'est le plus accompli de tous les ours, puisque les ours, en particulier l'ours brun, ont une tendance à glisser doucement vers des régimes de plus en plus omnivores et végétivores. Et lui, le grand panda, il est vraiment accompli et complètement, il ne mange que des végétaux, pratiquement. L'autre... On a toute une panoplie de régimes alimentaires entre toutes les espèces d'ours, là, d'un animal comme l'ours brun qui est extrêmement prédateur et puis très carnivore, hein, au grand panda qui se repaît de végétation verte telle que le bambou. Autre sous-famille à part entière, ce sont les thermactinés, qui sont en fait les ours à lunettes et qui sont une population qu'il est très difficile d'estimer. Vous pouvez nous dire un mot, pareil Jean-Jacques Camara, sur cette sous-famille de la famille des ursidés? Alors, c'est une famille qui se cantonne donc à l'Asie du Sud-Est et qui vit... À l'Asie du Sud-Est. Oui, okay. Et qui est une espèce qui est extrêmement forestière, et à tel point que même certains individus vont dormir, passer leur journée sur le haut des arbres, faire des nids. Enfin, c'est une espèce qui est de gabarit vraiment beaucoup plus petit que l'ours brun que nous avons en Europe. Et alors, il a un proche cousin qui est l'ours baribal, l'ours noir américain, qui est un ours noir très proche de cet ours donc à collier qui est en Asie du Sud-Est. Et alors, l'ours noir américain vit vraiment bien réparti sur tout l'hémisphère l'Amérique du Nord. Oui, alors en fait, c'est pour ça qu'il y a eu une petite confusion. Vous parlez de l'ours à collier qui est l'ours noir asiatique et qui est proche de l'ours noir américain. Moi, je vous parlais de l'ours à lunettes qui est l'ours d'Amérique du Sud. L'ours d'Amérique du Sud, évidemment, c'est excusez-moi. Non, pas de problème. C'est une espèce qui vit dans la cordillère des Andes, qui était menacée quand même et qui est issue donc de cette grande espèce de grand ours là, l'ours à face courte qui existait il y a très longtemps, et il est vraiment très différent de tous les autres ours. Il est effectivement différent. On a du mal à quantifier ses effectifs. L'UICN l'estime entre 5 000 et 30 000 individus. Oui, c'est une espèce qui vit dans des milieux forestiers, dans des zones qui sont inaccessibles, et je comprends bien que c'est extrêmement difficile, d'autant plus que ça fait pas spécialement longtemps qu'on étudie cet ours. Il faut des moyens considérables pour les estimer. Voilà, donc maintenant, le tout est de savoir si cette espèce est en train de s'accroître, ou alors si elle diminue, enfin, ou si elle est stable. C'est une espèce qui est moins étudié que l'ours brun, par exemple, puisque l'ours brun est une espèce qui vit dans des contrées qui sont relativement riches, par exemple, comme les États-Unis, l'Europe, la Scandinavie, et c'est un objet de recherche, comme on va le voir là, et c'est très intéressant. Donc c'est une espèce qui est très connue. Fabrice Bertil, peut-être un mot sur la variabilité interespèces, sur ces différentes espèces d'ours et sur la façon dont elles ont évolué. Il faut évidemment citer l'ours noir d'Amérique, qui est un ours qui se porte plutôt bien avec une population assez abondante de 300 000 individus. Alors oui, c'est ça, il y a 300 000 individus si on ne compte pas l'Alaska, et si on compte l'Alaska, il faut en rajouter encore une centaine de milliers. Donc effectivement, c'est une population qui se porte très bien, et on estime qu'elle est même en croissance comparativement à l'ours des Andes dont on parlait juste avant, qui effectivement est extrêmement difficile à quantifier. Et alors moi, les derniers chiffres que j'avais pu trouver sur cet animal faisaient état de 2500 à 10 000 individus, pas plus, et une tendance plutôt à la diminution. Donc toutes les populations, il y a quand même sur toutes les 8 espèces d'ours qu'on a mentionnées, il y en a quand même 6 qui sont quand même classées vulnérables, avec plusieurs d'entre elles qui sont en diminution en termes de abondance, nombre d'individus au niveau mondial. C'est-à-dire que les deux seules qui ne sont pas classées vulnérables, c'est l'ours noir et l'ours brun. Alors l'ours brun, il serait plutôt stable, et puis l'ours noir américain qui est en augmentation. Ouais. Il y a une espèce dont on n'a pas parlé, Jean-Jacques Camara, c'est l'ours paresseux qui est l'ours sans dents de devant. C'est un ours qui vit dans le sud-est asiatique aussi. C'est l'ours des cocotiers, je suppose. Donc, qui ressemble. Oui, il a la capacité de se suspendre dans les branches. Il a des griffes extrêmement longues. C'est un animal mais de petite taille et qui vit dans la jungle. Donc, qui est également très difficile à détecter et dont le statut est difficile à établir. Là, je ne pourrais pas dire exactement combien est-ce qu'il reste d'individus. Et on a effectivement l'ours lipu, qui est lui une autre espèce qui vit pas très loin de là aussi, qui est une espèce qui vit dans la jungle. L'ours paresseux, selon l'UICN, on compte environ 20 000 individus. Un mot, Fabrice Bertil, ce qui est intéressant, c'est que pour nous, on associe, et puis c'est là-dessus que vous travaillez, l'ours, l'une de ses caractéristiques, c'est l'hibernation. Toutes ces espèces d'ours n'hibernent pas en revanche. Non, absolument pas. Il y a plusieurs espèces d'ours qui n'hibernent absolument pas. Pour faire simple, il faut considérer que l'ours brun et l'ours noir américain sont des ours qui hibernent, sauf si vraiment ils ont des conditions incroyables de température et de disponibilité alimentaire. L'ours noir asiatique, lui, va hiberner. Alors, c'est sûr, ça concerne surtout les populations qui vont se trouver dans les environnements les plus froids. Et puis enfin, l'ours polaire, lui, eh bien, seule la femelle va aller hiberner lorsqu'elle devra mettre bas. Sinon, tous les autres ours ne sont pas des hibernants. Un dernier mot peut-être sur cette grande fiche d'identité éthologique et phylogénétique des différentes populations d'ours, Jean-Jacques Camara. On parle des trois phases de la vie de l'ours. Qu'est-ce que c'est exactement que ces trois phases? Est-ce que ça concerne toutes les espèces? Ah, vous voulez parler des trois phases saisonnières peut-être ou... Non, des trois phases en fonction de leur âge, c'est-à-dire de dire qu'il y a trois phases finalement dans leur vie, la première pendant les cinq premières années et les autres en fait en fonction de leur âge et de leur évolution dans le temps. Là, j'avoue. On fait pas trop de distinction, nous, justement, quand on travaille sur l'ours brun, là-dessus, on voit vraiment qu'il y a une phase de, si on peut dire, de phase subadulte, où les animaux donc sont en quête de territoire et ils sont extrêmement vulnérables face aux autres ours, aux grands ours adultes. Ensuite, bon, c'est une phase où les animaux sont installés sur les territoires et puis là ils se reproduisent normalement, ils vivent leur vie, et donc ils ont une période adulte où leur croissance s'est complètement stabilisée en plus, et puis il y aura une phase de décroissance vers la fin de la vie. Voilà ce que nous remarquons, nous, sur les ours bruns, en particulier dans les Pyrénées et sur les populations d'Amérique du Nord. Oui, en termes de dynamique des populations. Est-ce que toutes les espèces, Fabrice Bertil, ont la même grande flexibilité écologique que peuvent avoir l'ours brun et l'ours noir, par exemple? Alors, si vous parlez du régime alimentaire, oui, ils ont tous certaines, à part le panda qui va manger à 99% du bambou, mais ils vont tous manger plus ou moins ce qu'ils réussissent à trouver, certains ayant dans leur environnement davantage de végétaux que d'animaux, mais globalement, ils en sont tous capables, effectivement. Jean-Jacques Camara, effectivement, le régime omnivore, c'est un régime très vaste qui peut aller de mammifères moyens jusqu'aux insectes, en passant par un régime stricto sensu végétarien s'il n'y a rien d'autre à mettre là-dedans, en quelque sorte. Oui, tout à fait. C'est assez étonnant d'ailleurs quand les ours sortent des tanières. Déjà, donc au printemps, ils sont encore très gras, souvent. Enfin, ils ont encore de l'énergie. Et puis là, ils se nourrissent de. Ça leur suffit, même. Ils peuvent se nourrir de d'herbes, végétaux, de ce qui leur permet d'obtenir des protéines. Mais bien sûr, s'ils trouvent une charogne, une carcasse, là, ils vont pas hésiter et ils vont se nourrir plus facilement. Et ça va leur permettre de gagner du temps, peut-être, pour reprendre des forces. Ensuite, en été, il va manger des baies, des myrtilles, des framboises. C'est assez étonnant de voir l'efficacité qu'ont les ours bruns et les ours noirs pour consommer de la myrtille, par exemple. Ils engouffrent le rameau de myrtille dans leur gueule et puis ils tirent. Et en fait, leurs incisives font office de peigne à myrtille. On n'a pas inventé le peigne à myrtille, donc ils tirent et puis ils ramassent. Et alors, j'avais lu une fois, je ne sais pas si, bon, ce que ça vaut, mais... Un ours dans une journée, en pleine phase de alimentaire, c'est-à-dire en fin d'été, lorsqu'il y a beaucoup de nourriture, ils arrivent à accueillir plus de 200 000 baies dans la journée. Alors, ça me paraît beaucoup, mais bon, c'est énorme. C'est une période au cours de laquelle ils bougent de moins en moins et ils mangent de plus en plus. Donc, ils arrivent à synthétiser des graisses assez facilement. L'ours brun, l'ours noir également, en fin d'hiver, ils adorent manger des fruits secs. Ce qui leur permet de gagner un poids très rapidement. Donc le régime carné, c'est souvent un peu de l'opportunité qu'ils ont de trouver une charogne ou autre. Et puis ce sont en général de piètres chasseurs quand même, c'est de faune sauvage. Lorsque c'est de la faune domestique, c'est pas pareil, c'est beaucoup plus facile. Mais la faune sauvage, c'est assez difficile. J'ai remarqué souvent des pistes d'ours courant derrière des isards, derrière des ongulés sauvages, et ils arrivent difficilement à capturer. Alors je ne sais pas comment ça se passe en Scandinavie. Justement, Fabrice Bertil, comment est-ce que les ours sont aussi mauvais à la chasse d'animaux sauvages que dans les Pyrénées? Alors oui, c'est des animaux qui sont solitaires et plutôt, je veux pas dire fainéants, mais ils vont plutôt se contenter de ce qu'ils trouvent facilement. Pour revenir sur cette consommation de baies, effectivement, elle est absolument extraordinaire pour la mise en réserve de lipides juste avant l'entrée dans la tanière. Et chez les ours bruns de Scandinavie, effectivement, les quelques semaines juste avant l'entrée dans la tanière, ces animaux vont manger jusqu'à 20 000 kilocalories de baies par jour. Donc c'est absolument phénoménal. Et puis je pourrais rajouter également concernant l'ours polaire qui va lui consommer essentiellement du phoque ou du morse par exemple, que lorsqu'il va se servir dans ce garde-manger là, en fait il va vraiment privilégier la graisse de ses proies plutôt que la viande de ses proies. Donc vraiment des physiologies très particulières. Et on va revenir dans un instant sur l'ours blanc et justement sur cette assez incroyable faculté à digérer des quantités de graisse astronomiques sans pour autant que ça le rende malade, mais qu'au contraire ça participe à son métabolisme. Eh bien, on va en parler dans quelques secondes musicales. Oui, j'ai aimé aller à la chasse à l'ours avec toi. Nos petits corps couverts de plusieurs couches, surtout toi. Les plantigrades qui ne se montraient pas. On aurait aimé les toucher du doigt. On aurait aimé les toucher du doigt. Nos yeux perdus dans le noir peuplé des touches de nos voix. Nos yeux fouillant la voix de lait qui accouche d'un petit poids. Les plantigrades ne se mentent toujours pas. La chasse à l'ours du Stiax à 16h36 sur France Culture. Puisque nous parlons des ours, et pas vraiment de la chasse à l'ours, mais des ours malgré tout, en compagnie de Jean-Jacques Camara, biologiste, fondateur et ex-coordinateur du réseau Ours Brun, et de Fabrice Bertil, chargé de recherche CNRS à l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien à Strasbourg. De l'ours brun, donc, dont nous parlions à l'instant, à l'ours blanc, il n'y a qu'un tout petit pas évolutif de quelques centaines de milliers d'années, ce qui est très court à l'échelle phylogénétique. La différence est d'ailleurs si faible qu'il est probable que ces deux espèces se soient hybridées et s'hybrident encore, comme nous le disions il y a quelques instants. Alors, laquelle procède de l'autre ? Bonjour Alexandra Delbo. Bonjour Nicolas. C'est une sorte d'histoire de l'œuf ou la poule, mais version ours. C'est ça, j'ai rencontré Alexandra Sanin, maître de conférence à Sorbonne Université et chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Les ours bruns et les ours blancs ont divergé il y a 600 000 ans. Pourtant, certaines populations d'ours bruns présentent des séquences génétiques d'ours blancs. Et ces séquences concernent un génome bien particulier, le génome mitochondrial. Mais dans quel sens a eu lieu ce transfert ? Alexandra Sanin propose que ce soit les ours blancs qui aient transmis leurs gènes. On parle alors d'introgression mitochondriale des ours blancs vers les ours bruns. Et ces hybridations se seraient produites à deux reprises, il y a 155 000 ans et il y a 340 000 ans dans les îles ABC et en Irlande, à cause des glaciations. À ces périodes, la calotte glaciaire se serait étendue, aurait permis aux ours blancs de migrer et de s'hybrider avec certains ours bruns coincés dans ces refuges glaciaires. Il y a deux génomes dans une cellule, le génome mitochondrial qui est un petit génome qu'on trouve dans les mitochondries, lesquelles baignent dans le cytoplasme, et puis il y a le génome nucléaire qui contient l'essentiel des gènes, des 30 000 gènes qui se situent dans le noyau. Du point de vue du génome nucléaire, les séquences montrent clairement que les populations d'ours blancs sont divergentes des populations d'ours bruns. Les estimations concernant les divergences suggèrent environ 600 000 ans de divergence entre les deux espèces. Donc ça veut dire que du point de vue du génome nucléaire, Tout est clair. Du point de vue du génome mitochondrial, justement, c'était pas très clair. Mais l'intérêt du génome mitochondrial, c'est qu'il est hérité de façon maternelle et que, du coup, on retrace l'histoire des lignées maternelles. Donc, l'histoire des lignées maternelles des ours, elle est plus complexe que l'histoire du génome nucléaire. Et donc, ça veut dire qu'au niveau de ces lignées maternelles, il s'est passé quelque chose. Et ce génome mitochondrial nous dit qu'il y a eu des hybridations entre les deux espèces. La question, c'est dans quel sens ? On est obligé d'envisager les deux hypothèses. Est-ce que c'est des populations d'ours blancs qui ont été introgressées par des populations d'ours bruns ? Et donc, dans ce cas-là, l'ours blanc aurait hérité d'un génome mitochondrial d'ours brun ? Ou est-ce que c'est le contraire ? C'était ça la question. Moi, j'ai envisagé le contraire. C'est-à-dire que c'était l'ours blanc qui a introgressé des populations d'ours bruns. Donc, quand on parle hybridation entre deux espèces qui forment une descendance. On parle aussi d'introgression mitochondriale. Quelles sont les différences entre hybridation et introgression et qu'est-ce qu'on connaît, comment on peut le définir ? Alors, hybridation, c'est quand deux individus qui appartiennent à la même espèce ou à des espèces différentes se reproduisent et cette reproduction peut aboutir à une descendance viable ou pas. Ensuite, l'introgression, ça correspond au transfert de matériel génétique d'une espèce vers une autre espèce. Donc, il peut y avoir des introgressions nucléaires, des transferts de gènes nucléaires d'une espèce vers une autre. D'ailleurs, il y en a sûrement eu, mais voir dans les 30 000 gènes, c'est pas forcément simple. Alors que dans le cas de l'ADN mitochondrial, dès lors qu'il y a une introgression d'une espèce vers une autre, bah ça se voit tout de suite parce que les séquences sont pas les séquences attendues. Donc, c'est le transfert de matériel génétique, que ce soit mitochondrial ou nucléaire d'une espèce vers une autre. Forcément, l'introgression implique qu'il y ait hybridation entre les espèces au préalable. Et que les hybrides soient fertiles, au moins les femelles. Et à cause de cette divergence entre données nucléaires, mitochondriales, on n'arrivait justement pas à comprendre ce phénomène. Et vous avez proposé qu'il y ait eu deux introgressions mitochondriales au cours du temps. Oui, en fait, c'est pas un scénario parcimonieux, mais en fait, déjà la première chose, donc les séquences mitochondriales de l'ours ont une position inclusive dans l'arbre des ours bruns, c'est-à-dire qu'ils sont à l'intérieur de l'arbre des ours bruns. Donc ça veut dire que leurs séquences sont plus proches de certaines populations d'ours bruns. En l'occurrence, les séquences d'ours blancs sont très proches des séquences mitochondriales d'ours bruns des îles ABC. C'est des populations qui sont isolées, ce sont des îles qui sont à l'ouest de l'Alaska. Et donc la question c'est, est-ce que l'ancêtre commun, pour le coup des ours blancs, a hérité d'un génome mitochondrial de ces ours isolés sur les îles ABC ? Ou est-ce que c'est plutôt les ours des îles ABC qui ont hérité d'un génome mitochondrial d'ours blancs ? Donc mon hypothèse, c'est plutôt la deuxième. Et tout simplement, l'explication, c'est qu'en période glaciaire, les populations d'ours blancs ont pu migrer vers le sud. Elles ont pu aller sur les îles ABC, qui sont isolées du continent, grâce à la banquise, grâce à la glace. Et là, elles ont retrouvé nos ours bruns. Il s'avère que c'est un refuge glaciaire, les îles ABC. Et donc, les populations étant en sympatrie, elles ont pu se reproduire, échanger du matériel génétique. Et en l'occurrence, dans le cas présent, je fais l'hypothèse qu'il y a eu un transfert du génome mitochondrial des ours blancs dans les populations d'ours bruns. Tout simplement, ça veut dire des croisements entre des femelles d'ours blancs et des mâles d'ours bruns. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Est-ce qu'il faut faire davantage de séquençage sur une plus grande population ? Alors, le scénario que j'ai évoqué pour les îles ABC, je l'ai envisagé aussi pour les populations d'ours bruns d'Europe occidentale, dont notre ours des Pyrénées. J'envisage que ces populations ont aussi hérité, il y a plus de 300 000 ans, d'un ADN mitochondrial d'ours blanc, toujours en période glaciaire. Donc, s'il y avait une population à séquencer en priorité pour conforter ce scénario, ça serait l'ours des Pyrénées. Et ça, on peut le faire et on pourrait comparer avec les autres populations d'ours déjà séquencées. En fait, il y a quasiment toutes les populations d'ours bruns qui ont été séquencées avec beaucoup de diversité, notamment au Japon. Il manque que justement ces populations d'Europe occidentale qui subsistent encore par l'intermédiaire de l'ours des Pyrénées. Il faut le faire rapidement, ça serait dommage de passer à côté de ça. Vous Voilà, les liens proches, si proches mais si lointains de l'ours blanc et de l'ours brun. Peut-être un commentaire ou une réaction à ce que vous venez d'entendre, Jean-Jacques Camara? Oui, c'est intéressant. Hein. J'avais déjà eu connaissance de ces données-là, mais je pense que de l'ours des Pyrénées, il en reste quand même, mais plus dans les Pyrénées. Il en reste dans les monts Cantabriques, qui étaient autrefois dans le nord de l'Espagne, qui étaient reliés aux Pyrénées, puisque ça fait partie de la même chaîne de montagnes. Donc peut-être que le séquençage de ces ours dans les monts Cantabriques serait-il intéressant, d'une part. D'autre part, on a quand même des tissus encore bien conservés d'ours des Pyrénées. Donc peut-être le travail, je pense que ce serait très intéressant, oui. Mmh. Oui. Fabrice Bertil. Oui, moi je voulais revenir éventuellement sur cette hybridation, cette possibilité entre l'ours blanc et l'ours brun de se reproduire et de donner naissance, par exemple, à cet animal qu'on appelle le pisli en Alaska. Donc mélange d'ours blanc et d'ours brun, ce qui prouve bien effectivement que ces deux sous-espèces, ces deux espèces ont divergé il y a finalement très peu de temps puisqu'elles sont encore capables de se croiser. Où on en est exactement? Parce que c'est vrai que l'ours blanc est devenu, un peu malgré lui, le symbole des dégâts provoqués par le réchauffement climatique, avec ces images tout à fait iconiques d'ours blanc dérivant sur des morceaux de banquise détachés. On sait que ils sont obligés, comme on le disait tout à l'heure, d'aller de plus en plus au sud pour trouver de la nourriture, puisqu'ils n'arrivent plus à trouver suffisamment de phoques ou de léopards des mers pour manger. Un point, Jean-Jacques Camara, sur le niveau de la population, on sait les compter, la population d'ours blanc est véritablement en danger, ou est-ce que cette image est plus iconique que la réalité du danger que courent les populations? Non, ce sont plusieurs populations d'ailleurs qui vivent quand même sur des territoires qui sont bien délimités, si on peut dire, avec le réchauffement planétaire, on constate quand même qu'il y a une utilisation de plus en plus importante des territoires, donc de la terre, des zones qui sont en bordure de mer là, et l'ours polaire, l'ours blanc est en danger quand même très très important et immédiat d'extinction. Hein, c'est une espèce qui a besoin de chasser, donc venir chasser sur la terre ferme alors qu'on est blanc, c'est pas si facile que ça non plus, vous voyez. Donc c'est une espèce qui va devoir faire preuve d'adaptation rapide, mais j'en doute, quoi. C'est quand même une espèce qui est fortement menacée, ça c'est sûr. Il y a donc une population qui est encore relativement importante et qui est bien connue et bien étudiée, parce que ces populations d'ours blancs vivent dans des zones où il y a énormément de recherches qui sont menées, soit par le Canada, par les États-Unis, la Norvège, la Russie. Et donc, ce sont des populations qui sont très, très bien connues quand même. Hein. C'est donc une espèce qui vraiment est en danger, pour moi. Fabrice Bertil? En fait, l'ours, moi, de ce que j'ai pu en lire, l'ours blanc, c'est effectivement une population pour laquelle on compte ou on pense compter environ 25 000 individus, mais on n'en est absolument pas sûr parce que l'aire de répartition est énorme et que la densité de ces animaux est très faible et ils peuvent faire des milliers de kilomètres en une semaine. Donc c'est extrêmement difficile à compter, mais on pense qu'il y en a environ 25 000 et par contre on pense aussi que le nombre d'individus est en diminution, mais on n'en a pas une réelle assurance non plus. Mmh. Donc c'est très, très difficile à savoir tout ça. Oui, il y a encore pas mal d'inconnus sur cet ours blanc. Peut-être l'un ou l'autre, quelqu'un peut me dire un mot sur ce que l'on sait justement de la couleur du pelage et de la raison pour laquelle ce pelage a changé de couleur et est devenu blanc au fil de l'évolution. Qui veut répondre à ça? Jean-Jacques Camara? Oui, ça va être très très rapide de ce que je sais au moins, c'est que c'est une espèce qui est un animal qui est extrêmement prédateur, et si on veut faire de la prédation dans des endroits d'un environnement qui est blanc, l'adaptation et l'évolution fait en sorte que l'animal, eh bien, il change de pelage d'une part. D'autre part, le pelage de l'ours polaire est un poil. Le poil est tubulaire et conduit la lumière, enfin le rayon solaire, jusqu'au niveau de la peau, qui est foncée et qui, elle, à ce moment-là, eh bien, capte toute l'énergie solaire et ça réchauffe l'animal, si on peut dire. Voilà ma explication, tout ce que j'ai pu... Oui, c'est... Tout à fait, l'explication qui est donnée couramment. On évoquait juste avant, Fabrice Bertil, juste avant la pause musicale, l'étonnante morphologie et la complexité finalement de la morphologie des ours sur leur capacité notamment à accumuler des nutriments et des graisses avant l'hibernation. C'est particulièrement vrai pour l'ours blanc, puisque dans les périodes qu'on appelle d'hyperphagie, où ils se nourrissent énormément, ils arrivent, eux, à métaboliser jusqu'à 80% du gras blanc des phoques qu'ils assimilent et qui sont des doses qui seraient totalement toxiques pour n'importe quel autre mammifère. Oui, c'est assez impressionnant. Ils se nourrissent, donc comme on disait tout à l'heure, presque exclusivement de la graisse de ces phoques ou parfois de certains morses dont ils peuvent croiser la route. Ils ont des quantités de lipides circulant dans le sang qui sont absolument incroyablement élevées et malgré ça, ils ne développent pas de pathologies cardiovasculaires comme nous on le ferait si on avait à faire face à de telles concentrations en lipides. Donc c'est un métabolisme tout à fait particulier. Et il y a un petit peu la même chose aussi chez l'ours brun finalement qui manage des flux lipidiques assez incroyables au moment de son hibernation puisqu'il va accumuler en fait, même s'il ne mange pas que de la graisse, hein, même en mangeant du sucre, il va accumuler plusieurs dizaines de kilos pour les gros mâles jusqu'à même une centaine de kilogrammes de graisse sous la peau et pareil, il va se retrouver avec des concentrations circulantes en graisse très importantes sans développer d'indices de problèmes cardiovasculaires. Donc vraiment, vraiment une capacité de laquelle il faudrait s'inspirer pour l'homme. Un mot sur ses capacités, Jean Camara, effectivement, à traiter de très grandes quantités de calories et d'énergie sans pour autant développer des pathologies. Il y a pas mal de recherches qui vont dans ce sens-là. Il y a notamment une étude qui mettait au contact du sang humain avec du sérum d'ours et avec des effets assez spectaculaires justement sur le traitement des graisses alimentaires. Je prolongerai le régime alimentaire dont on parlait, c'est l'ours polaire, avec le régime alimentaire de l'ours brun, en particulier en Alaska, où les ours bruns d'Alaska, pêcheurs de saumon, ne mangent pas, dédaignent un peu la viande du saumon. Ce dont ils se repaissent le plus, c'est la peau, la graisse qui est sous la peau et les œufs. Mais c'est vraiment systématique, quoi. Donc on retrouve là également cette appétence pour les matières grasses qu'ont les ours polaires, ça c'est clair. Et on le voit même chez l'ours brun, donc ils ne sont pas très différents l'un de l'autre peut-être. Autre sujet d'étude, et c'est le vôtre Fabrice Bertil, vous étiez d'ailleurs venu nous en parler dans une émission consacrée justement à l'hibernation, c'est que finalement ces mécaniques d'hibernation qui permettent aux ours de ne pas perdre ou de perdre très très peu de masse musculaire sans aucune activité, ce sont des sujets d'étude qui sont importants parce qu'ils peuvent avoir des débouchés tout à fait concrets, et on évoquait le voyage spatial, je crois d'ailleurs que vos travaux soit en partie financé par le CNES, mais également pour des pathologies longues où des personnes doivent rester alitées sans possibilité d'exercice physique pour éviter justement les phénomènes d'atrophie musculaire. Oui, tout à fait. On peut peut-être commencer par rappeler que le muscle, finalement, c'est un organe qui est extrêmement important dans l'organisme parce que il est extrêmement abondant. Ça représente à peu près 40% de l'organisme humain. Il nous permet non seulement de nous mouvoir et d'effectuer et de nous déplacer, mais il est aussi extrêmement important, notamment pour contrôler le métabolisme, produire de la chaleur. Donc il est essentiel à la santé et au bien-être. Et malheureusement, on ne peut pas faire autrement que de perdre du muscle en lien avec certaines maladies, mais aussi simplement si on ne se sert pas de ces muscles. Hein, nos populations sont aujourd'hui sédentaires. On peut parler tout à l'heure des personnes alitées pendant de longues périodes dans des lits d'hôpitaux. Il y a des états de microgravité chez les astronautes, vous en avez parlé. Lors du vieillissement également, les personnes âgées ont de plus en plus de mal à se mouvoir parce qu'elles perdent du muscle et on a une espèce de cercle vicieux qui s'installe. Donc perdre du muscle au-delà de cette diminution de la taille des muscles, de la force des muscles, etc., ça induit aussi des problèmes métaboliques, donc de l'insulinorésistance et une diminution de la capacité des organes à oxyder des lipides. Donc malheureusement, on n'a pas vraiment d'outils efficaces pour lutter contre cette perte musculaire chez l'homme. Il y a bien sûr les programmes d'exercice physique ou des traitements nutritionnels particuliers qui aident toujours à améliorer la situation, mais qui ne sont jamais complètement efficaces. Et donc, notre idée, effectivement, là, c'est d'aller chercher dans le milieu naturel des ours qui, eux, résistent naturellement à l'atrophie musculaire, malgré, pendant leur hibernation, une inactivité physique et une absence d'alimentation totale sur de très longues périodes. Et donc, on essaye de mettre au jour des mécanismes, et on en a déjà mis en évidence plusieurs, dont ceux dont vous parliez tout à l'heure avec la présence de composés anti-atrophie dans le sang de l'ours en hiver, desquels on pourrait s'inspirer pour développer des contre-mesures chez l'homme. Et je vais renvoyer à nos auditrices et nos auditeurs aux émissions dont on vient de poster les liens sur notre fil Twitter consacré justement à ces mécaniques d'hibernation. Jean-Jacques Camara, aujourd'hui, les méthodes ont beaucoup changé. Quelles sont, alors, deux questions qui se recoupent un peu l'une l'autre. Est-ce qu'il faut, quelles sont les mesures de conservation qui sont en cours et qui sont utilisées pour bien éviter de nouveaux accidents ou permettre aux populations d'ours de subsister dans les territoires dans lesquels elles continuent de vivre? Et de l'autre côté, comment évoluent également les moyens d'observation? Est-ce que, par exemple, on met des balises sur les ours? Comment est-ce qu'on fait finalement pour séquencer et pour dénombrer les populations sur un territoire donné? Alors, le dénombrement, je commence par ce sujet-là, le dénombrement des ours a évolué au cours des 20 ou 30 dernières années, et pour arriver aujourd'hui à l'utilisation de photographies automatiques avec des appareils qui n'existaient pas par le passé, que moi je ne pouvais pas utiliser quand j'ai commencé il y a très longtemps, il y a 40 ans à travailler sur l'ours, et puis la génétique aussi pour par séquençage de l'ADN pour essayer de différencier les individus entre eux. Alors la différenciation individuelle, c'est quelque chose que l'on utilise sur des populations qui ne sont pas très importantes, de faible taille, comme dans les Pyrénées, environ 50, 60, 70 individus. Et ensuite, bon, je pense que dans quelques temps, il faudra s'orienter plutôt vers la mesure de l'abondance de l'animal, c'est-à-dire savoir s'il y a une population augmente ou diminue, et puis également par la détection des femelles suitées. Je crois que ça, c'est le point essentiel du suivi d'une population d'ours. Hein. Les femelles, la population d'ours s'appuie surtout sur la survie des femelles suitées et des jeunes, et c'est très important. La survie des femelles, pardon ? Suitées. C'est-à-dire qui sont accompagnées qui ont des oursons, hein, c'est des oursons de l'année, quoi. Alors en général, elles ont 1, 2, 3 oursons, rarement 4. Et c'est vraiment l'avenir de la population, et c'est sur ces individus-là, les femelles, que s'appuie l'avenir de la population. Donc également, elles sont représentatives, leur nombre est représentatif du nombre d'individus, si on peut dire, présents dans la population. Donc leur suivi est d'autant plus intéressant parce que si vous voulez faire un suivi de population d'ours, ça englobe des superficies énormes, c'est quasiment impossible, quoi. C'est quelque chose d'énorme. Et, donc il faut échantillonner la population et puis après utiliser des techniques différentes comme la photographie, la génétique, et puis peut-être après avec des statistiques faire des modèles de capture, marquage, recapture. C'est ce qu'essaie de faire actuellement l'Office français de la biodiversité, avec lequel je travaillais avant, et actuellement travaille sur ces modèles-là pour faire un suivi efficace. Ça veut dire que les ours font partie de ces animaux autour desquels on peut mettre des balises, qu'on peut repérer, ou est-ce que c'est très difficile, oui, ils les arrachent? Alors c'est très difficile de les capturer. C'est assez aléatoire. Vous pouvez capturer un ours et puis vous laisser, alors ça avait des pièges évidemment, des appâts, et vous pouvez 15 jours après recapturer le même. Donc vous imaginez, si vous devez capturer 70-80 ours, c'est très difficile, premièrement. Deuxièmement, comme c'est une espèce qui peut causer quelques problèmes, dès que les agents de l'État disposent de la connaissance sur un animal qui est marqué avec une balise ou autre, eh bien la responsabilité d'un quelconque dégât ou d'un débordement comportemental chez cette bête-là, eh bien ça retombe sur l'État. Donc c'est quand même c'est très difficile. Ça c'est quasiment impossible de mettre des moyens pour gérer une population d'ours qui serait marquée, entièrement marquée. Voilà. Alors la gestion de la population d'ours réside surtout sur la cohabitation que l'on essaie de parfaire et d'arranger entre par exemple le bétail domestique, entre le pastoralisme et l'animal. Alors, et ça, ce sera le thème d'une autre émission parce qu'on arrive malheureusement à la fin de celle-ci. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci Fabrice Bertil, merci Jean-Jacques Camara. Si vous voulez en savoir plus sur l'ours, je vous recommande la lecture à partir de la semaine prochaine de Au pays de l'ours que vous publiez aux éditions de La Salamandre et qui sortira le 10 mai. Et évidemment, merci à mes camarades et collègues de France Bleu Béarn et France Bleu Alsace pour les duplex. La méthode scientifique, c'est Alexandra Delbonne, Natacha Triou, Noémie Naguette-Saint-Villefranc, Loïc Dutoit, Eve Etienne, Amel Boucherka, Hélène Trigueros à la réalisation toute cette semaine et à la technique aujourd'hui Anthony Thomasson. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France et en réécoute sur franceculture.fr à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.